L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. On a parlé avec Marianne Saint-Gelais au cours des dernières semaines. On a parlé à Marie-Ève Drolet également. Là, je voulais parler, à mettre mon placoteur avec l'autre patineuse Saint-Félicien qui a été sélectionnée sur l'équipe canadienne. Choix discrétionnaire. On parle évidemment de Cassandra Bradette. Salut Cassandra! Salut! Cassandra, c'était ton anniversaire. Je m'étais souhaité un bon anniversaire. 27 ans, ça vieillit? Oui, merci. Cassandra, si on y allait maintenant, ta saison jusqu'à maintenant, comment ta voix? C'est sûr que on a beaucoup de... on travaille présentement sur beaucoup de choses au niveau technique, au niveau tactique, puis surtout au niveau mental. Okay. Donc, je pense que l'objectif principal, ça va être de me faire confiance, de pas trop appréhender les courses, d'embarquer sur la glace super consciente, c'est l'objectif principal. OK. Mais j'imagine que le fait que tu as gagné une médaille l'année passée, je pense que c'était une des Coupes du monde, ça a dû t'aider pour là-dessus, parce que c'est justement ça que tu travaillais, la confiance en toi, puis le fait d'avoir gagné, je pense que c'était l'avant-dernière Coupe du monde, ça a dû t'aider de ce côté-là? Non, c'était au championnat du monde, en fait, que j'ai gagné ma médaille de bronze au 1000 mètres. OK, ouais, c'est ça a dû t'aider. Oui, bien c'est sûr. En fait, le championnat du monde a été ma meilleure compé de la saison passée. La saison passée a été un peu difficile au niveau fatigue. J'ai été tout le temps un peu dans le rouge, là, si je peux dire. Puis, entre autres, ça, c'est un des objectifs cette année, de jamais être dans le rouge, toujours être dans une zone, tu sais, pas de confort, mais de m'entraîner de façon optimale pour toujours être capable d'en donner, jamais être dans une zone rouge. Puis au championnat du monde, je suis arrivée reposée, j'ai pu démontrer ce que mon plein de potentiel. C'est sûr que ça me donne confiance, mais en même temps, ben, tu sais, pour moi, c'est une médaille. Chaque course, tu sais, la prochaine compétition, ça va être différent. Chaque course est différente. Ça veut pas dire que, tu sais, peut-être que je vais faire mieux, peut-être que je vais moins bien faire, parce que tout est différent. Ça va juste dépendre de la gestion de la course. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça me donne confiance dans le sens que je sais qu'est-ce que je suis capable de faire, mais tu sais. Je peux pas sous-estimer aucune des adversaires. OK. Si on parlait maintenant des blessures, ça, il y a plus rien de ça, là, parce que tu as eu beaucoup de blessures par les années passées. Je pense que c'était au genou, entre autres. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème, là. Non, c'était mon dos. Ah oui, c'est vrai, ton dos. Blessé au dos. Oui, mon dos. Mais non, c'est pas complètement guéri, ça le sera jamais d'ailleurs. C'est toujours faut toujours que je gère. C'est, dans le fond, c'est trouver l'équilibre entre l'entraînement puis le meilleur, dans le fond, la meilleure combinaison que je peux faire à l'entraînement pour pas que mon dos en saut. Fait que, tu sais, ça m'arrive encore d'avoir mal au dos, mais il s'agit juste de bien gérer. OK. Le fait que l'équipe canadienne se renforce pas mal, on a une jeune comme Kim Boutin qui est vraiment là, qui est en feu au mois de septembre. À quelque part, ça doit en mettre davantage sur la pression sur ceux-là qui poussent en arrière. Là. Le fait que Kim monte en grade. Marianne me dit, c'est le fun de voir qu'il y en a qui sont derrière moi. J'imagine que pour toi, ça te met une pression supplémentaire. Plus ou moins. T'sais, moi, donc, je me dis que c'est ce qui va faire que l'équipe va être forte. Si on veut une championne du monde, ben, peu importe qui c'est, on n'a pas le choix d'avoir un groupe homogène, que ce soit serré, qu'on ait de la compétition de plus en plus au niveau canadien. Puis c'est comme ça qu'on va avoir de meilleurs résultats à l'international, parce que ça va nous permettre d'augmenter le niveau, l'entraînement. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment bien. Entre autres, cette année, on a une vraiment bonne équipe. Autant à l'individuel, je pense que ça va performer, qu'au relais, je pense que ça va être notre meilleure saison. OK. Ça doit être à quelque part beaucoup de travail pour toi, parce que tu étudies en biochimie aussi. Biochimie, l'entraînement, conjuguer tout ça, ça doit demander beaucoup. Ça l'a été par le passé, mais j'ai appris que je devais pas en prendre autant à l'école. Avant, je prenais plus qu'un cours par session. Là, j'en prends un. Donc, c'est un bon équilibre. J'ai besoin de cet équilibre-là pour être bien dans ma peau, pour être bien mentalement. Donc, tu sais, un cours, je pense que c'est juste assez, c'est pas trop. Ça me permet de garder un pied à l'école, mais en même temps que ça nuit aucunement mes performances. OK. Donc, l'équipe canadienne, toi, j'imagine, c'est continuer sur ton air d'aller l'année passée? Oui, exactement. L'objectif, c'est de bien travailler puis de continuer sur les points. Dans le fond, c'est d'essayer d'être le meilleur que je peux. Là, tu as été sur l'équipe canadienne en raison des choix discrétionnaires. Ça doit te faire plaisir un peu de voir que, quelque part, l'équipe canadienne te fait encore confiance. On t'a sélectionné sur l'équipe canadienne par choix discrétionnaire. Ça doit être plaisant. Oui, je suis vraiment contente, mais en même temps, tu sais, je pense que j'ai fait mes preuves aux sélections. J'ai pas eu des courses faciles. J'ai eu, il y a eu des petites malchances. Ouais. Donc, tu sais, je suis quand même satisfaite de ma compétition. Puis oui, c'est quand même au niveau de l'année passée où j'étais un choix discrétionnaire pour faire les distances individuelles au championnat du monde. Ça a été une belle marque de confiance. Puis tu sais, je pense que j'ai livré la marchandise. OK. Ben Cassandra, félicitations encore une fois. On va te suivre tout au long de l'année comme on le fait avec Marianne. Donc, on va te suivre pendant l'année et on va s'en reparler certainement. Merci. Voilà l'autre patineuse de Saint-Félicien, Cassandra Bradet.